Ma mère disait, prends garde à toi, les gars sont infidèles. Ohé, ohé, et moi j'aimais Joe. Sitôt venu, sitôt parti, comme s'ils avaient des ailes. Ohé, ohé, mais moi j'aimais Joe. Ohé, ohé, pour grimper à l'échelle. Ohé, ohé, attends la nuit, Joe. Ma mère disait, n'oublie jamais ce grand roi d'Angleterre. Ohé, ohé, qui ressemble à Joe. Il a conduit 5 ou 6 femmes jusque au cimetière. Ohé, ohé, à coups de couteau. Ohé, ohé, reste au pied de l'échelle. Ohé, ohé, ma mère est là-haut. Ohé, ohé, pour épouser Jean-Pierre. Ohé, ohé.